Exercice 13, page 117. Je ne voudrais pas envoyer la voiture dans le décor. Non, pas aujourd'hui, car cette fois, c'est moi qui tiens le volant.